Haminil, doyen de faculté de l'Université coréenne de l'Association générale des Coréens restant au Japon, a qualifié le message de nouvel an du respecté maréchal Kim Jong-un comme le drapeau de la victoire éclairant la voie de la prospérité de la patrie et de la nation. Il a dit qu'à sa vue à l'écran prononçant le message de nouvel an, il a été encouragé par la grandeur de grand homme sans pareil de l'éminent dirigeant et qu'il a été ému par ses salutations cordiales de la nouvelle année adressées à tous les Coréens du Nord, du Sud et de la diaspora. Il a affirmé que les ressortissants à l'étranger sont innombrables dans le monde, mais que les Coréens sont les seuls à jouir de génération en génération de la digne vie entourée du noble amour pour la nation et les compatriotes, et qu'il a été convaincu de l'avenir rose de la patrie socialiste et de la nation à jamais prospère en écoutant son message de nouvel an. Il a dit que grâce à la présence du maréchal Kim Jong-un, premier grand homme dans le monde, l'année 2017 de la Corée du Sungun sera auréolée de fières victoires à inscrire dans l'histoire de la patrie, malgré tous les empêchements des ennemis et forces hostiles à la nation contre le progrès dynamique de notre République.